On va parler avec Mikissiou Mawashish. On y avait parlé avant le camp d'entraînement. Des Saguenayens espéraient évidemment. Ils se faisaient pas trop d'illusions, mais ils espéraient grandement se tailler une place avec les Saguenayens de Chicoutimi. Là, finalement, il a été échangé au cours des derniers jours au Drakkar de Bécomo. Question de savoir comment il vit ça, on lui parle. Salut Mikissiou. Oui, salut. Mikissiou, comment tu as vécu cette transaction-là? En fait, j'ai été pris au dépourvu, comme on peut dire. OK. Je m'attendais vraiment pas du tout, du tout pas à ça, plutôt, pardon. Puis j'ai été retranché de Saguenay-Chicoutimi durant la semaine, puis durant la fin de semaine, en fait, j'étais en attente de voir si d'autres équipes allait me réclamer pour le avant la fin de leur camp, tu sais, pour au moins T'avais me passé payer par le un match balotage? ben non pas par le balotage, mais Yannick Jean, lorsqu'il m'a retranché, m'a dans le fond m'a dit qu'il allait donner mon nom aux 17 autres équipes OK. de la Ligue pour justement me peut-être me faire prêter jusqu'à la fin des camps pour avoir la chance d'être évalué par les autres équipes. Puis finalement, j'ai reçu aucun appel mettons, dans les 48 heures suivantes. Fait que là, je me suis dit, OK, faut que je pense à mon plan B. Ouais. Qui Puis était quoi j'avais ton plan décidé B, hein? d'aller c'était d'aller jouer. J'ai décidé d'aller jouer Union 3 à Saint-Géron, Ah, les Panthères de Saint-Géron. OK. Puis je voulais un peu suivre les traces aussi de Louis-Philippe Simard qui a fait la même chose. Puis c'est pour ça que j'étais pas je savais que je m'en allais dans une bonne place, dans une belle place aussi. Fait que le lundi matin, j'ai parlé au coach. Mon arrivée était prévue lundi après-midi. Puis moi, en tout cas, on a convenu qu'on partait lundi matin. Que je partais lundi matin. Fait que moi, je prends la route lundi matin en direction de Saint-Géron, en sachant que la date limite des transactions de la GMQ, ça se finissait le lundi à 10 h. Mais moi, j'avais eu aucun contact. Fait que j'allais suivre ça, mais sans y porter une attention particulière. En pensant que tu sais, j'allais peut-être me faire échanger. Fait que je prends la route. Puis mais j'ai pris la route peut-être 8 h15, 8 h, entre Chambord puis Latuc, il n'y a pas de signal. Puis c'est Ouais. environ une route d'une heure et demie. OK. Fait que avec les travaux, en tout cas, je suis arrivé à Latuc à 10 h 30. Puis en arrivant à Latuc, mon cellulaire qui était dans mon auto, évidemment pas dans mes mains, mais dans mon auto, ça s'est mis à vibrer parce que le signal est réapparu. Ouais. Ça vibrait sans cesse pendant environ 10 secondes. Puis là, je me suis demandé ce qui se passait. Je me suis arrêté sur le bord de la route. Je regardais ça, puis là, j'ai vu un texto de Yannick Jean qui me disait de le rappeler. Puis je l'ai rappelé, puis c'est comme ça que je t'ai échangé. Fait que pour dire un peu que j'étais vraiment pas dans cet état d'esprit-là au moment où ce que je l'ai su. Fait que moi je m'en allais à Montréal pour poursuivre mon hockey ailleurs en l'extérieur de la région, mais pas dans les juniors majeures du Québec. Fait que j'étais vraiment surpris puis surtout très content du dénouement. Comment que ça marche comment qu'on réagit quand on est échangé? C'est quoi une réaction d'un joueur de hockey? Ben Première question, tu as moi demandé où, hein? C'est la première question que tu. Ouais, ben premièrement, ouh, c'est ça, ben Ouais. souvent ça suit quelques secondes après qu'on me dit que t'as été échangé, mais c'est surtout moi, en tout cas, moi qui accorde beaucoup d'importance à l'école puis à la famille de pension, tu sais, dans la vie, parce que moi je vais être bien pendant mon je vais être bien où ce que je vis en pension pour justement bien performer, ben premièrement au hockey, mais évidemment à l'école aussi. Fait que ça, c'est toutes des questions parce que moi, vivant en pension déjà à Chicoutimi, j'avais bâti quelque chose avec ma famille de pension, puis à l'école, j'avais entretenu des liens avec les enseignants et avec les conseillers pédagogiques. Fait que là, c'est première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de me dire bon, ben là, tout de suite à recommencer, tu sais. Fait que puis en sachant pas partout ce que je m'envoie, la façon que ça marche, le fonctionnement, les façons de faire, tout ça. Fait que là, c'est comme un peu pas jeter dans le vide, mais c'est de recommencer des choses que tu avais déjà faites, puis que tu avais déjà établies avec d'autres personnes, puis dans une autre ville. Fait que moi, en tout cas, c'était ça ma première pensée. OK. Dis-moi, est-ce que tu as parlé avec la direction des Drakkar? Certainement qu'eux sont comme en reconstruction, fait que certainement qu'ils vont t'aider, hein? Oui, mais en fait, c'est mieux reconstruit. Ben, ça n'a pas été abordé comme ça. Lorsque je leur ai parlé, parce que oui, j'ai parlé au directeur général Pierre Rioux. suite, dans le fond, en raccrochant avec Yannick Jean à la fin. Il m'a donné les coordonnées de Pierre Rioux, puis tout de suite après, je lui ai téléphoné, puis c'est sûr qu'on s'est parlé. Là, il disait qu'il avait fait mon acquisition parce que pour lui, j'avais une place dans l'équipe. Il m'a dit de revirer de bord, puis de me diriger dans Pocomo à la place de Montréal. Fait que c'est sûr, lui disait que pour ce qui était de l'équipe où il y avait des joueurs qui avaient été retranchés, puis il y avait des joueurs avec lesquels, tu sais, que ça faisait pas leurs affaires, puis qui voyaient plus moi dans ces spots-là. Fait que moi, j'ai comme... je faisais leurs affaires, puis considérant l'équipe qu'on a, les joueurs qui sont présents, mais je pense pas que c'est une équipe en construction totalement. Fait que... Non, c'est sûr, on a une belle année, on a des bons joueurs, puis surtout un bon groupe de jeunes, à mon avis. Comment qu'on entend t'utiliser? On n'a pas vraiment abordé, en fait, pas avec moi, on n'a pas abordé le sujet avec moi. C'est sûr que pour l'instant, on est 12 attaquants, plus un russe qui va arriver dans les prochains jours, je crois. Qui restait juste assez ça à valider des choses avec son visa. Puis on est 13 attaquants. Puis okay. Là, ben, en commençant l'année, je sais pas s'il va y avoir nécessairement un 13e. Peut-être que ça va juste être 13 attaquants qui vont rouler sur 4 trios. Je sais pas, on en a pas parlé. OK. Mais c'est une belle ville, Bécomo, pareil. C'est une belle ville pour jouer au hockey. La ville est vraiment vibre au rive du Drakkar, là. C'est vraiment intéressant. Oui, mais en fait, ouais, c'est sûr. Ben, c'est comme des équipes de région. Fait que, c'est les partisans qui sont proches, qui ont l'équipe à cœur, puis qui sont proches aussi, justement, de l'équipe. Tu sais, c'est du monde qui assiste au match en grand nombre, qui les croise dans la rue, ils te reconnaissent. Ouais. Fait que c'est vraiment, ça ressemble, de ce côté-là, ça ressemble à Chicoutimi. Fait que je suis vraiment content d'avoir cet aspect-là, ici à Bécomo. OK. Dis-moi, t'étais-tu content de ton camp d'entraînement avec les SAG? Ou vraiment, c'est parce qu'il n'y avait pas de place et tu n'as pas eu la chance de te faire valoir. Est-ce que dans l'ensemble... Moi, oui. Moi? Ouais, ben en fait, je t'ai coupé, désolé. Oui, moi, j'étais vraiment satisfait de mon camp d'entraînement. Puis on garde ça, puis on peut toujours se dire qu'on aurait pu faire mieux sur certaines choses. En même temps, faut pas trop s'arracher la tête avec ça non plus. Sinon, faut pas vivre dans le regret. Ouais. Puis moi, à ce niveau-là, c'est sûr, j'avais pas de regrets, à part si je me mettais à creuser, mais c'est ça, c'est pas des choses à faire. C'est pas des choses à faire. Puis, non, à mon avis, c'est sûr qu'il y a certains autres joueurs qui ont connu peut-être des bons camps d'entraînement de leur côté, puis ça a fait en sorte que, OK, bon, ça pouvait mieux compter dans le rôle du joueur qui avait besoin. Ouais. Mais moi, je pense plus aussi c'était vraiment... Il y avait beaucoup de joueurs, là, surtout à l'attaque, là, si on peut pas se cacher. Ça fait le tour ces réseaux sociaux. Fait que, sûr que ça n'a pas été de mon côté, mais en même temps, ça, parallèlement avec Homo, eux avaient besoin d'attaquants. Fait que, justement, ça dépend de la place aussi dans lequel j'étais, dans le fond. Fait que oui, il y a peut-être cet aspect-là du nombre de joueurs. Dis-moi... Pour un joueur être échangé, j'imagine que là, le cégep et ainsi de suite, là, faut vraiment, faut voir si la faculté que t'as, si elle est disponible à Bécomo. Ça doit être assez compliqué aussi, ça là, trouver une nouvelle pension et ainsi de suite. Oui, ben en fait, ça, ben premièrement, c'est l'équipe qui se charge de ça. Nous, on touche pas, on s'occupe aucunement de ça. On a affaire, c'est de se présenter à l'école, évidemment, mais les équipes, Calise a des standards par rapport à l'école aujourd'hui qui sont d'ailleurs assez élevés. Okay. C'est sûr que c'est important d'aller à l'école. Puis ça passe par les équipes. Les équipes ont des conseillers pédagogiques qui réfèrent à des conseillers pédagogiques au cégep qui, eux, s'occupent de notre accueil puis de notre inscription, de notre horaire, ajuster notre horaire en fonction des pratiques, tout ça. Puis ça, ce moment-là, je n'étais pas inquiet c'est d'être placé, surtout que la Ligue junior majeure, le seul inconvénient, je sais pas si c'est partout comme ça, mais en tout cas, à Chicoutimi, c'était comme ça. À Bécomo, je pense aussi que c'est comme ça. On peut seulement faire des programmes préuniversitaires. OK. Parce que on peut pas faire des exemples, des DEP ou même des techniques, parce que ça engendre, ben, d'un, trop de temps, puis de deux, c'est justement, souvent, il y a des stages, des choses comme ça, puis ça, nous, on peut pas, dans le fond, la priorité, ça reste Ça reste l'hockey des pratiques, tout ça. Fait qu'on peut pas manquer des pratiques pour des stages ou bien pour des cours, par exemple. Fait que, oui, on fait notre deck, notre diplôme d'études collégiales, on le complète la plupart du temps, sauf que c'est bien pré-universitaire. Fait qu'on sort de là avec un deck dans nos mains, sauf que c'est pas nécessairement. On sort pas de là avec une profession, tout le monde. OK. Ben, Mikishim, on va te souhaiter la meilleure des chances, évidemment. C'est une belle expérience de Bécomo. Évidemment, on a rien sûr que tu portes les couleurs des Sags, mais c'est très difficile de percer l'alignement cette année. C'est que les deux prochaines années, à Chicoutimi, ça va. Il y a beaucoup d'attentes, donc on va suivre ta carrière de près avec Homo. Oui, ben merci beaucoup. Bonne chance aussi aux Saguenayens pour les deux prochaines années. Ben effectivement. Mikishima Washish du Drakkar de Bécomo, qui est natif évidemment de Mastouillage.